طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيدة، شرح العقيدة الواسطية بإذن عز وجل. Nous sommes le 11, dhul hijjah 1427 hijriya, c'est-à-dire le 31 décembre 2006. C'est inshallah ta'ala le 17e cours dans la aqida. On parlait de al-sunnah al-jama'a et on disait que, et j'ai dit que al-sunnah al-jama'a, ce sont inshallah ta'ala, c'est le groupe sauvé. Il y a tellement de sectes en islam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a 73 pardon, et des 73, il y a seulement un groupe qui va être sauvé. Le groupe sauvé s'appelle, inshallah ta'ala, Ahl-Sunnah al-Jama'a. Ahl-Sunnah al-Jama'a, dans leur aqida, dans leur dogme, ils ont des bases, ils ont des règles. Quiconque atteste ce qu'ils attestent eux et se conditionne par leur base, ne va ni à droite ni à gauche et dit exactement ce qu'ils disent eux, il est, inshallah ta'ala, de Al-Sunnah al-Jama'a et du groupe sauvé. Entre autres, ils disent beaucoup de choses. Al-Sunnah al-Jama'a atteste beaucoup de choses. Entre autres, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils attestent tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les maintiennent et les reconnaissent sans faire quatre choses. Ils ne déforment pas, ils ne nient pas. Ils ne demandent pas le comment et ils ne font pas ressembler. On a déjà vu deux choses et aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va voir les deux autres. Ou bien on va voir la troisième. Donc, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Min ghayri tahrif, ils ne déforment pas. Ou min ghayri ta'til, ils ne nient pas. Et c'était les dars qui sont passés, inshallah ta'ala. Maintenant, juste une petite révision pour passer à la troisième des choses. Min ghayri takyif. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas le comment des attributs. Avant cela, juste une petite révision. Les deux derniers points qu'on avait fait la fois passée, c'était que j'avais dit, certains disent, et c'est certain bien sûr, c'est une secte égarée, ça s'appelle Mufawwida. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils disent, je ne connais pas le sens. Moi, je ne connais pas le sens de cet attribut. Je confie son sens à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui connaît le sens. Ça s'appelle Mufawwida. Ils disent Ufawwidu al-ma'na ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on dit à ceux qui disent comme ça, attention, vous êtes dans l'égarement total. Parce que Al-Sunnah al-Jama'a connaissent le sens. Ils disent, on connaît le sens de l'attribut. Et eux, ils disent, non, on ne connaît pas le sens de l'attribut. On le confie à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce que ça veut dire les mains d'Allah. Allah sait qu'est-ce que ça veut dire ses yeux. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce que ça veut dire la descente. Je ne sais pas ce que c'est. Comme ça, ils disent. Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent non. Nous, on sait. Car le Coran est descendu très clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Litubayyina linnas, pour leur montrer. Donc, c'est quelque chose de clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. C'est des versets très clairs, très clairs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible qu'il nous apprenne des choses dont il ne connaît pas le sens. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses que même le prophète ne connaît pas. Et il lui dit, dis à ta nation ces choses. Alors à quoi ça sert? Comment va-t-on adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses dont on ne connaît pas le sens? Donc la différence entre nous et cette secte, le Mufawwida, nous on confie Allah subhanahu wa ta'ala afoun. On confie quoi? Le kifia. Nous on confie le comment, on ne sait pas comment. Mais le sens, on ne le confie pas, le sens on le connaît. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, de véritables mains. Mais comment sont-elles faites? Sallahu alam. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala descend. On ne dit pas, on sait pas ce que c'est la descente, on confie son sens à Allah. Non, je sais que ça veut dire il descend. Je sais que ça veut dire la descente. Mais comment il descend? Ça, c'est ce que je ne sais pas. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala rit. Je sais que ça veut dire le rire. Mais comment qu'il rit? Ça, je ne sais pas. Alors qu'eux, ils disent, non, je ne sais pas que ça veut dire le rire, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'étonnement d'Allah, je ne sais pas que ça veut dire ses mains, je ne sais pas que ça veut dire ses yeux, je ne sais pas que ça veut dire sa jambe, et comme ça. Voilà la différence, donc, entre Al-Sunnah et Al-Jama'a, tout ça, c'est une révision, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, le dernier point, on avait dit que, attention aussi, à ceux qui disent que, Tariqatul Salaf, Aslam. Ils disent Tariqatul Salaf, Aslam. On a montré à l'égarement de ceux qui disent cela, et comme a dit Cheikh l'Islam, il a dit, ne dit cela qu'un idiot, rabbi, quelqu'un qui est rabbi, qui est idiot, dit cela. Il dit que Tariqat Salaf Aslam et Tariqatul Khalif A'lam wa Ahkam. Ça veut dire que ceux qui sont venus après les Sahaba, après les Tabi'in, sont plus savants que les sahaba et les tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme ça, ils disent, ils sont plus savants. Ils disent les autres, d'accord, ce sont des pieux, etc. Mais question d'ilm, nous avons compris plus qu'eux. Nous avons compris des choses qu'ils n'ont pas comprises. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est, yani, il n'y a pas plus grande sottise que celle-là. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quant à aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va expliquer la troisième des choses. Donc, on avait dit, Al-Sunnah al-Jama'a ne font pas quatre choses. Ne déforme pas, ne nie pas, et ça on l'a bien expliqué, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va dire, et aussi, min ghayri takyif. Ça veut dire, il ne demande pas le comment des choses. Il ne demande pas le comment des choses. Cheikh Ibn Uthaymeen, la yahmou, a dit, فَإِذَا قُلْتَ مَثَلًا كَيْفَ جَاءَ زَيْدٍ. Si tu dis par exemple, comment est venu Zayd? Comment qui est venu? Tu dis, il est venu par exemple véhiculé, par exemple véhiculé, ou bien tu dis, il est venu à pied. Donc, donc, tu as donné un comment à sa façon de venir. Ça, tu as dit, il est venu à pied, il est venu en voiture, il est venu à dos d'âne, il est venu en marchant, il est venu en nageant. Donc, la venue de Zayd, tu as donné un comment. Je sais maintenant comment qu'il est venu. Je sais la façon dont il est venu. Ensuite, il dit, la yahmou, si tu dis, كيف اللون السيارة, quelle est la couleur de la voiture? S'il répond, abyad, blanc, فذكرت اللون. Donc, tu as dit comment qu'est cette voiture. Qu'elle est blanche, ou laquelle est bleue, ou laquelle est noire. Donc, tu as montré comment qu'elle est cette voiture. Il a dit, Al-Sunnah al-Jama'a la yukayifuna sifatillah. Mustanidina fi dhalika ila dalil sam'i wa dalil 'aqli. Il a dit, Al-Sunnah al-Jama'a ne cherche pas le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se base sur cela avec deux dalils. Le dalil sam'i, le Coran et la Sunna, et le dalil du raisonnement. Le dalil des textes, les textes, c'est le Coran et la Sunna, c'est ça les textes. Ensuite, ils ont le délit du raisonnement, qu'il ne faut pas demander le comment des attributs d'Allah. Donc, je répète, Al-Sunnah al-Jama'a ne demande pas le comment. Ils attestent, ils maintiennent l'attribut, mais ils ne demandent pas comment. Ils disent, Allah a une main, mais je ne sais pas comment qu'elle est faite. Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit, mais je ne sais pas comment. Allah subhanahu wa ta'ala parle, mais je ne sais pas comment. Quand je dis je ne sais pas comment, ça veut dire comment qu'il parle. Je sais qu'il parle avec saut. Il a un son Il parle avec un son et des lettres, comme c'est dans le Bukhari. Mais comment qu'il parle? Nous, on parle avec une bouche et des lèvres et la langue. Il faut même les dents pour pouvoir parler. Si on n'a pas de dents, on parle difficilement. Mais Allah, comment qu'il parle? Lui, il sait comment qu'il parle. Il parle d'une façon qui lui convient. Comme il descend d'une façon qui lui convient, comme il a une entité qui lui convient, il a des noms qui lui conviennent, il a des attributs qui lui conviennent. Tout ce qu'il fait, il ne ressemble pas, nous ne lui ressemblons en rien. Nous ne lui ressemblons en rien. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans le premier dalil, il a dit, nous allons donner les dalils, qu'il ne faut pas demander le comment des choses, le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَأَنْتَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il a cité les grands péchés, le fawahish, les kifpupides, l'ithme, etc. Ensuite, shirk. Ensuite, il a dit, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Et que vous disiez sur Allah subhanahu wa ta'ala des choses que vous ne savez pas. Toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous la sachions, il nous l'a montré dans son Coran et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose que Allah azza wa jalla n'a pas voulu que nous la sachions, il ne nous l'a pas montré. Donc celui qui veut connaître des choses que Allah n'a pas voulu montrer, celui-là il perd son temps et il n'arrivera pas et il sera égaré. Trois choses, il perd son temps et il n'arrivera pas. Et troisièmement, il sera égaré. Il sera égaré, il cherche quelque chose que Allah azza wa jalla n'a pas voulu nous montrer. Al-Muhim. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Allah yarhamou, فَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ. Si quelqu'un vient, il dit, إِنَّ اللَّهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur le trône. عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَةِ. De cette façon. وَوَصَفَ كَيْفِيَةً مُعَيَّنًا. De cette façon, et il donne une façon bien déterminée. Il dit, il s'est établi sur le trône comme ça, par exemple, et il s'assoit, comme je m'assois moi sur une chaise, il dit, voilà comment il s'est établi. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen naqul, on lui dit, هَذَا قَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ. Celui-là a dit sur Allah une chose qu'il ne connaît pas. On venait de citer le verset qui dit, et ne dites pas sur Allah subhanahu wa ta'ala les choses que vous ne connaissez pas. Donc si quelqu'un dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi de cette façon, d'une façon propre, d'une façon que lui, il veut nous montrer, ça veut dire qu'il a dit sur Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il ne connaît pas. Ensuite, il a dit, نقول نعم هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a appris qu'il s'est établi de cette façon? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a appris? Ou et comment? Montre-nous comment qu'il t'a dit, comment qu'il t'a appris, comment tu l'as su, qu'il t'a parlé, il t'a envoyé Jibril alayhi salam, il t'a fait voir la table préservée, tu as fait monter, tu as fait l'ascension, tu as lu sur le tableau. Comment se fait-il que tu aies su, toi, cette chose, et que le prophète, alayhi sallam, ne l'ait pas su? Es-tu mieux que lui? Es-tu un nouveau prophète? Fais-nous comprendre, on n'a pas compris comment tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi de cette façon X, que tu dis toi, alors que personne ne la connaît. Il a dit, là, akhbaran Allah bi'anna ustawa, wa lam yukhbirna kayfa ustawa. Il a dit, on lui dit non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il s'est établi. Il a dit, stawa ala l'arsh, rahman ala l'arsh stawa. Mais il ne nous a pas montré comment. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est le troisième des choses que je voudrais expliquer aujourd'hui, qu'on ne cherche jamais le comment des attributs. On ne cherche jamais le comment. On dit, sah, l'azul a dit ceci, donc cette chose est vraie. Mais comment, je ne sais pas, je ne cherche pas le comment. Il a dit, ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل للسماء كيف ينزل. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmou a dit, c'est pour ça que si un jahmite, vous savez ce que c'est un jahmite, hein? C'est une secte, les ulama ont dit, c'est une secte de kuffar, des kuffar qui suivaient quelqu'un qui s'appelait le jahm, Ibn Safwan, qui lui-même suivait quelqu'un qui s'appelait le jahd, Ibn Dirham, qui lui-même suivait Ibn Ukht, le fils de la sœur de David ibn al-Asam, qui a empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le djihmisme, cette secte vient de des Yahouds. C'est les Yahouds qui ont fait le djihmisme, et ils ont fait le rafidisme, ils ont fait le chiisme. Le chiisme et le djihmisme, c'est les Yahouds qui l'ont fait rentrer en islam. Ils ont voulu le faire rentrer en islam pour yani, briser l'islam. لكن أن لهم أن يصلوا إلى أهدافهم. المهم للجهميت يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا ني نون يأتريبو. إلا سلمون كوا؟ إلا سلمون أن سل. أن سل أتريبو سي كوا؟ سي كو إلي إكزيست. إي أون يعني بوكو دو سي با توس مي بوكو دو ديسك الله سبحانه وتعالى أ دي نون أ دي نون. مي لي أتريبو ils disent qu'ils n'en ont pas. Allah subhanahu wa ta'ala, لم يسمع لم يتكلم لم يضحك لا لا لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. J'ai dit que certains d'eux disaient qu'il avait des noms, mais eux, ils disent qu'il a seulement un seul attribut. C'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est tout. Existe. Mais on ne dit rien d'autre chose. Allah existe, c'est tout. Et un seul attribut. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si un jahmi te dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala descend-il au ciel? Comment il descend du trône jusqu'au ciel, premier ciel qui est au-dessus de nos têtes? Tu leur dis, فَأَخْبِرْهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَنْزِلْ وَلَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ يَنْزِلْ. Tu dis simplement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il descendait, mais il ne nous a pas dit comment qu'il descend. C'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il descendait, mais il ne nous a pas dit comment qu'il descend. Il n'y a pas yani, une réponse plus simple que celle-là. Donc, comme j'ai dit, les djahmites nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les roulettes, yani les muta'assibines, les djahmites, nient même les noms. Même les noms, ils disent qu'il n'a pas de nom. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, naam. C'est pour ça qu'il y a une règle que j'ai citée une fois, je la répète ici, inshallah ta'ala. C'est, je crois que si je ne l'ai pas oublié, c'est de Ishaq ibn Rahawi, si je n'ai pas oublié, qui dit que Man qala inna lillah, inna Allah laysa lahu yid, faqad kafar. Wa man qala lillah, yedun mithli yedi, faqad kafar. Regardez, El Sunna ou Jama'a, ils sont au milieu. Si tu dis par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'établit pas sur le trône, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main, tu es devenu kafir. Naam, Allah il a dit j'ai des mains, il a dit je descends, il a dit je m'établis, toi tu dis non. Bien sûr, pour celui qui sait, yani, on lui montre le corps, on lui montre la sunna, il dit non, je reconnais pas ça, il n'y a pas cela. Mais si tu dis maintenant ça, il s'est établi, mais il s'établit comme je m'établis moi. Ça, il descend, mais comme je descends moi de l'échelle, je descends de la chaise. Et il a une main comme ma main. Là aussi, tu deviens kafir. El-Sunna al-Jama, c'est au milieu. Il dit, je maintiens les attributs, mais sans les faire ressembler à mes attributs. Il a une main, ou la deux mains, pas comme mes mains. Il s'est établi, pas comme je m'établis moi, sur ma chaise. Il descend, pas comme je descends. Il a des yeux, deux yeux, pas comme mes deux yeux. Il parle pas comme je parle. Il est pas comme je suis moi. Et comme ça, il ne me ressemble en rien, je ne lui ressemble en rien. On se ressemble seulement dans les noms. Les noms comme ça. Hein? J'ai une main, il a une main. Ma main, quand je l'écris, ça s'écrit avec M-A-I-N. La main d'Allah s'écrit avec M-A-I-N. C'est seulement les noms. Ma descente, sa descente. Mon établissement, son établissement. Mes yeux, ses yeux. Ça s'écrit de la même chose, mais La vérité, le haqiqa, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et il est impossible qu'il y ait la ressemblance entre le créateur et la créature. Entre le créateur et la créature et la création. Et Inch'Allah, on va expliquer encore plus. Ensuite, il a dit, maintenant il va donner un dalil, c'était le dalil du Coran. Maintenant, il va donner le dalil du raisonnement. Il a dit, فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة بمشاهدته أو مشاهدة ناظره أو خبر الصادق عنه. Il a dit pour que on sache pour qu'on sache telle chose, comment qu'elle est faite, je suis à la page 98. Pour qu'on sache la chose, comment qu'elle est faite, il nous faut une des trois choses. Il nous faut une des trois choses. Laquelle? Ou bien on voit cette chose, ou bien on voit une chose qui lui ressemble, ou bien on a une information de quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui est confiant, il nous informe. Ça, sinon c'est impossible de savoir une chose comment qu'elle est faite. Maintenant moi, pour que je sache la voiture de X comment qu'elle est faite, est-ce une Mercedes ou là une Honda ou là, elle est verte, elle est bleue, elle est neuve, elle est comment pour le savoir? Il faut que je la vois, ou bien que je vois une qui lui ressemble. Quelqu'un me montre, il me dit, tu vois celle-là, c'est comme celle de X. Ou bien, la troisième des choses, que quelqu'un m'informe. Quelqu'un qui soit fier, qui soit confiant. Quelqu'un que je connais, qui est confiant, qui ne ment pas. Il me dit, X a une voiture, telle marque, tel modèle, telle année, telle couleur, tel état. Là seulement, je peux savoir le comment de cette voiture. Là seulement, je peux savoir le comment de cette voiture, comment qu'elle est faite. طيب ولهذا قال بعض العلماء ان معنى قولنا بدون كيفية ليس معناه ان لا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية لكن لا تعلم. نعم استاذ العلماء دي maintenant الله سبحانه وتعالى pour que on sache comment sont ces attributs, etc. C'est comme je viens de dire, il faut avoir vu, ou bien avoir vu quelque chose qui lui ressemble, ou bien quelqu'un de confiant qui nous ait dit cela. Ça? Bon, est-ce que quelqu'un a vu comment qu'il fait la main d'Allah? Personne. Alors comment je vais savoir moi comment qu'elle est faite? Donc c'est impossible. Est-ce que j'ai vu un Dieu qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala pour voir sa main et dire la main d'Allah est comme la main de ce Dieu? C'est impossible. La hawla wa la quwwata illa billah. Et maintenant, la troisième des choses, il faut que quelqu'un de confiant me dise cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus confiant, ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas dit, voilà comment qu'est la main d'Allah. Voilà comment que sont ses yeux. Voilà comment que sont ses deux pieds. Voilà comment qu'il est jaloux. Voilà comment qu'il s'étend. Voilà comment qu'il rit. Il ne me l'a pas dit. Donc, c'est impossible. Il n'y a que ces trois chemins, ces trois issues qui peuvent te montrer le comment. Et les trois n'existent pas. On n'a pas vu là. Il n'y a pas quelqu'un qui lui ressemble et le plus confiant ne nous l'a pas dit, ne nous a pas informé. J'ai dit, là il y a une petite remarque qu'a fait remarquer Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou. Il a dit, quand on dit que Allah Azza wa Jalla a des attributs sans façon et sans comment, ça ne veut pas dire que ça n'a pas une façon. Là, ça a un comment et ça a une façon. Mais nous, on ne connaît pas la façon, on ne connaît pas le comment. Naam. L'azul, quand on dit, on ne connaît pas comment qui fait sa main. Comment qui est sa main. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une façon, elle n'a pas une forme, elle n'a pas un comment. Comment Allah subhanahu wa ta'ala s'établit-il? Il a une façon, il a un comment. Mais ce comment, cette façon, je ne la connais pas. Voilà la différence. On n'a pas dit il n'a pas de comment. Là, nous, on ne connaît pas le comment et la façon. C'est tout. Il a un comment, il a une vraie main, il a, qui a une forme. Et nous, on ne connaît pas cette façon, on ne connaît pas cette forme. Su'ila l'imam Malik, rahimahullah, an qawlihi ar-Rahman al-Arstawa. L'imam Malik, la rahmou. Quelqu'un est rentré, il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, s'est établi sur son trône. Kayfa istawa? Comment s'est-il établi? Voilà une question que quelqu'un a posée à l'imam Malik, la rahmou, qui était assis avec un groupe de gens. Quelqu'un est rentré, il lui a dit, Ya imamana, akhbirna, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Allah s'est établi sur son trône. Comment s'est-il établi? فأطلق مالك برأسه حتى على العرق. مالك عليه رحمة الله. quand il a entendu cette chose, bien sûr, il n'a pas, yani, il a senti, yani, comment dirais-je, ça a senti une grande gêne, c'est qu'il a baissé sa tête, ensuite, yani, la sueur a commencé à sortir de son front. Ensuite, il a répondu, al-istiwa ghayru majhoul. Il a dit, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas méconnu. Il est connu. Il est dans le Coran. Il y a plusieurs versets où il a dit qu'il s'est établi. Il a dit que c'est connu. Ensuite, il a dit, al-istiwa ghayru majhoul, wal-kayfu ghayru ma'qul. Et la façon dont il s'est établi, le comment il s'est établi, ghayru ma'qul, on ne peut pas le concevoir. C'est quelque chose d'inconcevable. Même le comment, c'est quelque chose d'inconcevable. Ensuite, il a dit, وَالْإِمَانُ بِهِ wajib. Et croire en cela, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur le trône, c'est quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Ce sont des versets. Des versets et des hadiths qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi. Donc, je ne peux pas démentir un verset. Imanu bihi wajib. Ensuite, il a dit, وَالسُؤَالُ عَنْهُ bid'a. Naam. C'est bid'a que tu me demandes une chose pareille. C'est bid'a que quelqu'un demande kayfa, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi. Ensuite, il a dit, un peu plus loin, il n'a pas cité, je crois, ici. Ensuite, il a dit, وَأَرَاكَ رَجُلَ سَوْءٍ أَرَاهُ رَجُلَ سَوْءٍ فَأَتَلِدُوا عَنِّي. Ensuite, il a dit, et je vois que cette personne est quelqu'un de pas bien, c'est quelqu'un d'égaré, quelque chose comme ça, il a dit, faites-le sortir chez moi. C'est la première fois que quelqu'un venait poser une question pareille, et il venait demander sur quoi? Sur le comment des choses, subhanallah. Il n'est pas venu apprendre les noms et les attributs. Il est venu, il veut apprendre le comment. Dis-moi Allah Ta'ala, comment qu'il s'établit, comment qu'il est fait, comment sont ses mains, comment... Yani est-il, la hawla wa la quwwata illa billah, ça c'est impossible. Donc, Imam Malik lui expliquait que ces choses-là, on doit croire en elles. On doit croire en elles, naam, elles sont connues, elles sont vraies, elles existent, mais on ne sait pas comment, et questionner sur ces choses, c'est de la bid'a, ça rentre dans l'innovation, et tu es quelqu'un de qui n'est pas bien, et expulsez-le, sortez-le de chez moi, c'est un innovateur. Ici, certains innovateurs, qui sont eux-mêmes des innovateurs, profitent de l'occasion pour dire donc, ils disent donc, si quelqu'un demande par exemple où est Allah, on lui répond comme a répondu l'imam Malik. On lui dit, as-su'alu anhu bid'a. Questionner comme ça, c'est une bid'a. Peut-être même qu'on lui dit, tu es quelqu'un de pas bien, allez, expulsez-le de chez moi. Là, et ce sont les innovateurs qui disent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tromper les gens. Ils disent, Imam Malik a dit, c'est une bid'a de poser une question pareille. Alors que, en fin de compte, Imam Malik n'a jamais dit que c'est une bid'a de demander une chose pareille. Il a dit, c'est une bid'a de demander le comment de la chose. Il n'a pas dit, c'est une bid'a de dire, où est Allah? Ou là, est-ce qu'il s'est établi? Est-ce qu'Allah a des mains? Est-ce qu'Allah a des yeux? Tout ça, c'est pas bid'a. Bid'a, c'est quoi? C'est, comment sont-ils fait ses yeux? Ils ont des cils, des sourcils, ils ont le noir à l'intérieur, ils ont le blanc, ils ferment les yeux, ils ouvrent les yeux, tout ça c'est bid'a. Comment? Mais connaître si Allah subhanahu wa ta'ala a tel attribut ou ne l'a-t-il pas, ce n'est non seulement pas une bid'a, mais c'est les choses les plus obligatoires à apprendre aux musulmans. C'est les choses les plus aimées que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tu apprennes. Pourquoi? Parce que si vraiment tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu aurais demandé tous les détails possibles sur lui pour le connaître encore plus. C'est comme quelqu'un qui veut acheter une voiture, il veut connaître tous les détails de la voiture, toutes les options, toutes les particularités de cette voiture, détail par détail. Pourquoi? Parce que tellement il la veut cette voiture, tellement elle est dans son cœur. Il y a la même chose, quand quelqu'un veut se marier, il demande tout ce qui a rapport avec la femme. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, pour essayer d'avoir des affinités avec elle. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, si on l'aimait vraiment, on aurait voulu tout comprendre sur lui. Surtout, comment qu'il est fait, yani, je dis pas comment on cherche, quoi. Ça veut dire de quoi est-il, yani, quels sont ses noms et quels sont ses attributs. Non. Beaucoup de gens ne connaissent d'Allah subhanahu wa ta'ala que de quoi? Que il existe, il est Ghafour, il est Rahim, et ça c'est terminé. Et ils ne connaissent pas beaucoup d'attributs, beaucoup d'autres attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a. Plus tu connais un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas l'adorer. Ou bien en faisant une chose, ou bien en délaissant une chose. Naam. Quand tu sais par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux, comme dans le hadith sahih, donc tu vas demander, c'est quoi en fin de compte jaloux? Comment qui est, c'est quoi la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu dis, la jalousie existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré, il a dit, la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quand quelqu'un, un musulman ou un croyant, fait le haram. Quand tu fais le haram, Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux. Il n'aime pas que sa créature qui est musulmane, qui est pieux, maintenant il va faire le haram. Donc, quand tu as su qu'Allah subhanahu wa ta'ala était jaloux, tu vas te délaisser du haram, tu ne vas pas le faire. Si tu ne savais pas cette chose, tu fais le haram, ça ne te dit rien. Tu dis, tout le monde fait le haram, khalas, après inshallah. Mais maintenant que tu sais cette chose, tu vas l'adorer en ne pas faire le haram. Quand tu sais par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, celui qui ne sait pas qu'il descend chaque nuit, toi tu sais qu'il descend et qu'il demande des choses, etc. Tu voudrais donc, si tu pouvais, faire la prière en ce moment où lui il descend. Et celui qui ne sait pas qu'il descend, il dort, il va dormir. Pourquoi il ne sait pas qu'Allah descend? Donc plus tu connais des attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu l'adores encore plus. Tu l'adores en faisant ce qu'il aime et en s'éloignant de ce qu'il n'aime pas. Ensuite, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, il dit ici, page 101, il dit, وَلِهَذَا أُحَذِّرُكُمْ دَائِمًا مِنَ الْبَحْثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَنُّتِ وَالتَّمَطُّعِ والشيء الذي ما سأل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب إن فتحت علينا الأبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا عن ضبط أنفسنا فلذلك نقول أو قل سمعنا وأطعنا وأمننا وصدقنا. نعم شيخ ابن عثيمين رحمه الله دي je vous mets en garde toujours et je vous mets en garde de يعني pour ne pas chercher en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qu'on ne peut pas savoir. Comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire le comment. Le comment, tu ne le sauras jamais. Va t'enfermer dans une chambre et achète tous les livres qu'il y a de l'islam, du temps des compagnons jusqu'à nos jours. Tous les livres qui ont été écrits et essaie de les lire tous, tu ne sauras jamais comment est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni la façon dont il descend, ni la façon dont il vient, ni comment sont ses yeux. Impossible, tu n'y arriveras jamais. Donc, ce n'est pas la peine, comme a dit Cheikh ici, ou haddirukum, je vous mets en garde des gens qui veulent, ça existe là, ils veulent yani la polémique, ils veulent jidel. Comment qu'il a ceci, comment ceci, la hawla wa la quwwata jidel. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou, il dit, tu dis sami'na wa ata'na. Tu dis sami'na wa ata'na. Je ne cherche pas à connaître des choses que non seulement il m'est impossible de les connaître, mais il m'est même interdit. Il m'est interdit de les connaître car je vais perdre mon temps et je vais devenir un innovateur. Les choses qui sont obligatoires à connaître, je ne les cherche pas. Je les laisse de côté. Et les choses qui sont interdites, je veux les connaître, je veux les chercher. Comme ça font comme ça font les égarés, ils laissent les choses obligatoires que Allah a demandé de savoir et ils vont chercher les choses interdites que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de savoir et que personne ne peut connaître, bien sûr. Maintenant, il y a autre chose. Maintenant, on va passer quatrième des choses, donc la troisième des choses, on a terminé, on a dit, on ne cherche pas le comment des choses. Al-Sunnah ne déforme pas, ne nie pas, ne cherche pas le comment, et quatrièmement, walatimfil, ne font pas ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Je disais, Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune créature et aucune créature, bien sûr, ne lui ressemble. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou va donner les délits. Il a dit les délits qu'il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de point commun entre Allah et ses créatures. Le délit, c'est premièrement les textes, ensuite la raison. Les délits des textes, ensuite les délits de la raison. Premièrement, les délits des textes, ça se divise en deux groupes. Les délits des textes qui sont des informations et les délits des textes qui sont des ordres. Car Allah Azza wa Jal va nous informer, premièrement, qu'il ne ressemble pas, et deuxièmement, va nous donner des ordres pour que quoi? Pour que on ne le fasse pas ressembler. Et on ne fasse pas ressembler ses créatures à lui. Donc, grand A, petit A. Petit A, les délits de quoi? Les délits de l'information. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay ». Il a dit, rien ne lui ressemble. Voilà un délit où il nous a informé. Il a dit, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Et regardez ce verset. Il est très court. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Avec ce petit verset, on peut briser le dos de deux grandes sectes. La première secte, la secte qui fait l'anthropomorphisme, la ressemblance, on lui dit, tu te trompes, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, tu ne peux pas le faire ressembler, c'est pas la peine, rien ne lui ressemble. Et la fin du verset, wa huwa as-sami'ul basir, et c'est lui l'audion, le clairvoyant, on brise le dos de la deuxième secte qui dit quoi? Qui dit, qui nie. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme les jahmites, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. On lui dit, menteur, Bazel a des attributs. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, et c'est lui l'audion, le clairvoyant. Il a cité ici deux attributs. Donc, Bazel a des attributs. Donc, vous avez lu un petit verset et il brise le dos de deux grandes sectes. Maintenant, le deuxième délit toujours, on est toujours dans les informations. Bazel a dit dans le Coran, هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ Connais-tu Allah subhanahu wa ta'ala? Lui, connais-tu un homonyme? Connais-tu à Allah subhanahu wa ta'ala un homonyme, quelqu'un qui lui ressemble? Connais-tu? Allah Azza wa Jalla a posé cette question, ça s'appelle en arabe, su'al istinkari. Il te pose ici la question, c'est pas pour que tu répondes, pour que tu réfléchisses, tu vas dire je ne sais pas, je vais réfléchir. Il te répond la question, ça veut, il te pose cette question, ça veut dire que c'est non. Ça n'a pas besoin de réponse. C'est pour ça que ça s'appelle istinkari. C'est à peu près le père qui dit à son fils, tu me connais voleur? Tu me connais menteur? Ça veut dire, c'est pas, il demande à son fils, est-ce que je suis menteur là? Ça veut dire, attention, tu répètes cette chose, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un voleur. Donc ici, ce n'est pas une question pour connaître la réponse. Je ne demande pas à mon fils parce que je ne sais pas si je suis un menteur ou pas. Je lui demande, suis-je menteur? Non. Ça veut dire, il ne faut jamais dire cette chose là. Suis-je menteur moi? Suis-je voleur? La même chose, l'Allah a dit. هل تعلم له سميا? Tu connais quelqu'un qui a dit que j'ai quelqu'un qui me ressemble. Yani, il n'y a pas, hein? Il n'y a pas. Donc c'est une information ici, mais c'est une question, mais qui nous informe qu'il n'en a pas. Ça c'est un petit A. Maintenant, un petit B, c'est des délits où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des ordres de ne pas le faire ressembler. Il a dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne lui prenez pas d'ego. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne lui prenez pas d'ego. Il a dit, Nam, comment peut-on prendre Allah subhanahu wa ta'ala un égal? Ou bien, en le faisant ressembler, on dit, subhanallah al-azim, il a une main comme la main d'Allah. Ou on dit, subhanallah al-azim, la main d'Allah est comme ma main. Ou bien, on le fait ressembler lui. Yani, bidati, on dit, celui-là, il ressemble à Allah. Ou bien, Allah ressemble à celui-là. Ou bien, on demande à une personne, on lui demande une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, par exemple. Quand on a une statue devant nous, on demande à la statue de nous faire tomber la pluie. Ça veut dire, j'ai pris cette statue comme Dieu. Je l'ai mise à pied égal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand je vais à la tombe et je demande à quelqu'un qui est mort, ça fait des centaines d'années qu'il est mort, je lui dis, je suis stérile, je n'ai pas d'enfants. Donne-moi des enfants. Et je lui dis, ça fait longtemps que la pluie n'est pas tombée, fais-nous descendre la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne qui est dans la tombe, ce mort, je l'ai mis à pied égal avec Allah. Naam, je ne l'ai pas dit de ma bouche. Avec ma bouche, je dis non. Allah, c'est Allah, et celui-là, c'est une personne. Mais, avec ma aqida, avec mon dogme, avec ce que j'ai dans le cœur, c'est comme si j'ai dit à la personne qui est morte, je lui dis, toi aussi tu es Allah. Pourquoi? Je l'ai mis à pied égal. J'ai dit, toi aussi, tu peux donner des enfants, et toi aussi, tu peux faire tomber la pluie. Alors, ce sont des choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Seul Allah peut donner des enfants, seul Allah peut faire tomber la pluie. Et seul Allah peut faire lever le soleil et le faire coucher. Et seul Allah Azza wa Jal peut envoyer le vent. Et seul. Je disais, c'est pour ça que les kuffars, qu'est-ce qu'ils vont dire yawm al-qiyamah? Ils vont dire, Iz nous sawwikum bi rabbil alamin. Notre faute c'était d'avoir fait tiswiya, l'égalité. Nous sawwikum, ils parlent de leur statut. Nous vous avons mis, ou bien mise, au même pied, yani à égalité avec Allah. Iz nous sawwikum. Allah Azza wa Jal a dit, وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ يَعْدِلُونَ hein, ils me mettaient à pied égal avec leur statut, avec leur Dieu, leur faux Dieu. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'attribuez pas à Allah des semblables. C'est pour ça que Cheikh Allah Rahmou a dit, فَمَنْ مَثَلَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ. Quiconque fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, فَقَدْ كَذَّبَ الْخَبَرُ وَعَسَى الْأَمْرِ. Ça veut dire, tu as démenti les informations qu'on venait citer, les deux ayats qui ont dit qu'Allah ne ressemble à personne. Toi, tu as dit, non, ce n'est pas vrai. Et tu as transgressé les ordres où Allah t'a dit de ne pas le faire ressembler et de ne pas lui donner des semblables et des égaux. Donc, quiconque dit Allah Azza wa Jal ressemble, c'est-à-dire il a fait deux choses. Il a dit le Coran n'est pas vrai, les versets qui disent qu'il ne ressemble pas, c'est pas vrai, il ressemble. Et en même temps, il a désobéi aux ordres que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ça, c'est grand 1, petit A, petit B. Maintenant, grand 2. Grand 2, c'est les délits par raisonnement. Le grand 1, c'était délits par les textes et par texte. Ça se divise information et ordre. Maintenant, grand B, la grande 2, délit par raisonnement que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune créature et que aucune créature jamais ne peut lui ressembler. Bon, une seconde, je mets la barre comme ça pour voir si je me déconnecte. Je mets la barre comme ça, une seconde, je la laisse comme ça. Non, pour pouvoir la voir, la barre, là, que je ne descende pas. Bon, j'ai la barre qui descend. Maintenant, les délits par raisonnement. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas aux personnes, aux créatures, et que les créatures ne lui ressemblent pas. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a dit, Annaqul, on va dire, La yumkinu tamathulu bayna al-khaliq wa al-makhluq bi ayy hal min ahwal. Il a dit, il est impossible qu'il y ait des points communs et des ressemblances et des affinités entre le créateur et la créature. Entre le créateur et la création. Il a dit ça, c'est impossible. Il a dit, لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. Si il n'y avait qu'un seul point pour prouver qu'il n'y a pas de ressemblance, ça aurait suffi. Quel est ce point? L'existence. Al. Si on donnait comme exemple seulement l'existence, sans parler de tous les attributs, si on parlait seulement de l'existence d'Allah, comparé à l'existence des personnes et des créatures, ça suffirait. Ça suffirait qu'ils ne se ressemblent pas. Comment cela? Regardez comment cela. Il a dit, ذلك ان وجود الخالق واجب. L'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'Allah. Ça vous le savez. Il est impossible qu'il n'y ait pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, en fin de compte, on n'a pas besoin de dalil. Parce que celui qui dit qu'il n'existe pas, c'est celui qui doit donner le dalil. C'est pour ça que l'Azhar a dit, قل هاتوا برهانكم In kuntum sadiqin. C'est vous, les négateurs, qui doivent donner les délits que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Car on ne demande pas à quelque chose qui est évidente de donner des délits. Le matin, quand je vais me lever, moi, je lève les yeux vers le ciel. Je vois le soleil. Le soleil, il est au-dessus de ma tête, masha'Allah, rond, jaune, masha'Allah, doré. Maintenant, il vient quelqu'un qui a des lunettes noires, il ne voit pas bien. Je lui dis, tu vois le soleil? Il me dit, non, il n'y a pas de soleil. Pourquoi il n'y a pas de soleil? Regarde. Il me dit, moi, je ne le vois pas. Maintenant, est-ce que c'est moi de lui donner le délit qu'il y a le soleil? C'est pas moi. C'est lui qui doit donner le délit que le soleil n'y a pas. C'est lui qui il a quelque chose sur ses yeux, ou bien il a quelque chose sur son cœur qui l'empêche de voir. C'est pas de ma faute. L'Azawj a donné, a montré des choses, elles sont très claires. Celui qui a vu, c'est pour lui. Celui qui est devenu aveugle et s'est rendu aveugle, c'est contre lui. C'est comme ça que l'Azawj a dit dans le Coran. Tamen absara fali nafsi, wamen amiya fa'aliha. Qui a vu, quiconque a vu, c'est pour lui. Quiconque n'a pas vu la vérité, c'est contre lui, il n'a pas voulu voir. Je l'avais cherché, je l'aurais aidé pour qu'il voie. Quelqu'un qui ne veut pas voir, il veut se rendre aveugle, il met des lunettes noires, il dit je ne vois pas le soleil. Celui-là, c'est lui qui veut aller en enfer. Celui-là, il joue avec le feu. Le cheikh ici, Allah a dit, regardez seulement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Premièrement, deuxièmement, il a dit, فَهُوَ أَزَلِي. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début, son existence. Est-ce qu'elle a un début? Est-ce qu'il n'y avait pas Allah, ensuite il est venu? Non. Elle n'a pas de début et n'a pas de fin. Est-ce qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala n'existera plus? Il va y avoir un jour où il n'y aura plus Allah. C'est impossible. Il va y avoir un jour où il n'y aura plus de monde. Le monde va se terminer. Mais Allah, c'est lui le premier, il n'y a rien avant lui. C'est lui le dernier, il n'y a rien après lui. Ça, vous lisez dans le Coran. Qui n'a pas été précédé de quelque chose, ni d'une vie, ni d'une créature, ni de rien. Qui ne sera pas, il n'y aura pas quelque chose derrière lui. C'est lui le dernier, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, regardez son existence. Premièrement, elle est obligatoire. Deuxièmement, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Alors que notre existence, on fait la différence seulement entre les existences, pas les attributs. Alors que notre existence, elle n'est pas obligatoire. Elle est seulement possible. Est-ce que c'était obligé que je sois moi et que j'existe? Où étais-je? Moi maintenant j'ai 54 ans. Masha'Allah, je disais que ça fait 5 ou 6 jours, là, je ne me rappelle pas, 11 décembre. El-Mouhim, où j'étais il y a 54 ans? Où j'étais? Quelqu'un va me dire dans le ventre de ta mère, Masha'Allah, 9 mois, ça. Où étais-je avant les 9 mois? Où étais-je il y a 60 ans? Où étais-je il y a 100 ans, il y a 200 ans? Est-ce que quelqu'un a obligé Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me crée? Il lui a dit, il faut que tu crées cette personne. C'est impossible. Donc moi, il était possible que je vienne dans ce monde, et il était possible que non, si Allah azza wa jalla n'avait pas voulu. Si Allah azza wa jalla n'avait pas voulu, il était impossible que je vienne au monde. Donc, mon existence, comparé à l'existence d'Allah, déjà il y a cette grande différence. Celle d'Allah est obligatoire. Celle de nous est possible seulement. Il est possible que tu viennes au monde, il est possible que tu ne viennes pas. Il est possible que tu viennes au monde, tu vives une minute, il est possible que tu vives 120 ans, ou la 900 ans, ou la 950, comme Noé alayhi salam. Donc tout ça, c'est pas nous qui commandons. Deuxièmement, notre vie, Masbouqa bi Adam, notre vie a été précédée de néant. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. On avait dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. Et nous, on a un début. Car il y a quelques années, on n'existait pas. Il y a 100 ans, on n'existait pas. Pour ceux qui ont 20 et 22 ans, il y a 30 ans, ils n'existaient pas. Donc, vous étiez quoi? On était quoi? On était néant, subhanallah. On n'existait pas. هَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مَذْكُورًا. Ah, ne te rappelles-tu pas que il s'est passé un temps où tu n'étais rien. Tu n'étais même pas mentionné. Tu n'existais pas. Naam. Toi qui as 40 ans, où étais-tu il y a 41 ans? Toi qui as 20 ans, où étais-tu il y a 21 ans ou 22 ans? Et comme ça. Naam. Tu n'étais même pas mentionné. Et personne ne savait que tu allais venir au monde. Personne ne savait. Non. Donc non, notre vie, comparée à celle d'Allah, ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que la nôtre, elle est possible seulement et pas obligatoire. Deuxièmement, elle a un début. Et troisièmement, elle a une fin. Naam. Ish mashi'ta fa innaka mayyit. Ish, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ish mashi'ta fa innaka mayyit. Vis ce que tu veux, quand tu veux, tu vas mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, fa in mitta anta fa humul khalidun. Est-ce que si toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon bien-aimé prophète, le meilleur des prophètes, la meilleure créature, si toi tu vas mourir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vivre? Ça aussi, c'est une question istinkari. Hein, c'est une question. Ça veut dire, si toi, tu vas mourir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vivre? Ça veut dire, non, il n'y aura pas. Car toi, la meilleure créature, tu dois mourir. Comment se fait-il qu'une autre personne, yani moins aimée que toi, vive? C'est impossible. Il y avait quelqu'un qui devait vivre toute sa vie, ce serait toi. Mais toi, tu vas mourir. Donc, tout le monde doit mourir. Donc, maintenant, vous avez remarqué que seulement dans l'existence, déjà, on ne se ressemble pas. L'existence, notre existence et l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Maintenant, qu'en est-il alors dans les détails et les attributs? Taniyin, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo a dit, deuxièmement, An-nar najidu at-tabayyun al-'azima bayna al-khaliq wa al-makhluq fi sifatihi wa fi af'alihi. Nous remarquons qu'il y a une grande différence entre le créateur et ses créatures dans les sifats, dans les attributs et dans les gestes, aussi af'al et les actes. Il y a une grande différence. Fi sifatihi, dans ses attributs, yasma'u 'azza wa jalla كل صوت مهما خفي ومهما بعد. الله سبحانه وتعالى par exemple, il donne un exemple, الشيخ il donne un exemple, il dit Allah سبحانه وتعالى par exemple, il écoute ou il entend tout ou là tout son, tout bruit, il entend même s'il est le plus يعني, faible, le plus faible possible, et malgré qu'il soit le plus loin possible, il peut l'entendre. ولو كان même s'il est au fond des mers. Naam. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il entend et nous entendons. Nous entendons avec deux oreilles. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité qu'il a des oreilles. Il a cité qu'il a deux yeux. Il a deux jambes, il a deux mains. Il n'a pas cité qu'il a deux oreilles. Mais il entend. Comment qu'il entend? Le comment, c'est pas moi qui le cherche. Le comment, je le saurai au Qiyama. C'est le dars qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, regardez, lui il entend, moi j'entends. Mais moi je peux entendre peut-être à 100 mètres, à 150 mètres, s'il n'y a pas de bruit, si je suis à la campagne, s'il n'y a pas de vent, je peux entendre, il y a un avion qui passe, ou là, je l'entends à 100 mètres, 150 mètres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il entende, la distance n'a pas de limite. Ensuite, moi, j'entends seulement les bruits, yani, percevables. Allah subhanahu wa ta'ala entend même les choses qui ne s'entendent pas. Il entend une fourmi quand elle marche. Il l'entend. C'est pas. Est-ce que nous, on entend une fourmi quand elle marche? Nous, un chat qui pèse je ne sais pas combien de kilos, il peut passer devant moi sans que je l'entende. Non, un chat peut passer sans que je l'entende. Allah subhanahu wa ta'ala, une fourmi, il peut l'entendre quand elle marche. Donc, vous voyez, il y a une grande différence entre sa façon d'entendre Allah Azza wa Jal et ma façon d'entendre. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il y avait une femme à qui son mari, la femme s'appelle Khawla bintu Ta'lab. Et son mari, je n'ai pas entendu, il s'appelle Aws ibn Samit. Si je me rappelle bien, il s'appelle Aws ibn Samit. Qu'est-ce qu'il a fait à cette femme? Il lui a dit, yani zaharaha, il lui a dit, tu es pour moi comme ma mère. C'est-à-dire, je vais plus s'approcher. Et quand quelqu'un dit à sa femme, tu es comme ma mère, ça s'appelle Zihar en islam. En islam, c'est quelque chose, bien sûr, de grave. C'est quelque chose de grave. Ce qu'il a fait, ça a un kuffara, bien sûr, mais ce qui n'est pas bien, c'est quelque chose bien, ça s'appelle Zihar. Et bien sûr, ce Zihar, il a beaucoup, beaucoup de règles. Si vous voulez, Inch'Allah, un jour, pour vous dire la différence quand quelqu'un dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, est-ce que quand il lui dit par exemple, tu es pour moi comme la main de ma mère, ou là tu es pour moi comme la jambe de ma mère, ou là tu es pour moi comme la dent de ma mère, ou là tu es pour moi comme les cheveux de ma mère, les ulama ont dit qu'il y a une grande différence. Quand il dit à sa femme, tu es pour moi comme ma mère, خلاص, elle devient haram, sauf bien sûr si c'est, vous connaissez, si c'est la kafara, sauf si c'est la kafara. Sinon, 4 mois, le juge doit la divorcer. Maintenant, mais s'il lui dit, tu es par exemple comme la main de ma mère, c'est la même chose. Elle est haram. Mais s'il lui dit, tu es comme les dents de ma mère, elle n'est pas haram. Pourquoi? Parce que les dents se détachent. Les dents, ils peuvent tomber, on peut les enlever chez le dentiste. S'il lui dit, tu es comme les cheveux de ma mère, la même chose, ça se détache. Il n'a pas fait le haram. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se détachent. Et si la femme dit à son mari, tu es comme le dos de mon père, pour moi tu es classe comme le dos de mon père, ça ne compte pas. Si Ibn Uthaymin a dit, elle doit faire une kafara, elle doit faire nourrir 10 personnes. Mais elle ne peut pas faire le véhar, elle peut pas faire le véhar à son mari. Al-Muhim, on revient à notre daf, c'est pas le fiqh aujourd'hui, c'est la aqida. Cet homme a dit à sa femme, tu es à partir d'aujourd'hui comme le dos de ma mère. Ça veut dire classe, je ne vais plus t'approcher. Est-ce que quelqu'un peut approcher sa mère? Ma'adallah. Donc elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Elle lui a dit, je lui ai donné mon ventre c'était pour son bébé. Et bien sûr ma poitrine pour allaiter son enfant. Et toute ma jeunesse, je l'ai passé avec lui, avec mon mari. Maintenant quand j'ai grandi, il n'a plus besoin de moi, il m'a dit je suis comme sa mère. Beaucoup de gens font comme ça, font comme cela. Dès que la femme, son épouse un peu grandit, classe, il cherche celle de 18 ans. Il veut chercher maintenant celle de 18 ans au lieu de se rappeler le bien qu'elle a fait, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas le fadl qu'il y avait entre toi et ta femme, combien qu'elle a souffert, etc. Maintenant, classe, il veut l'oublier et il va pour l'oublier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui trouver tous les défauts du monde. Tous les défauts du monde, il va les lui coller. Elle qui était la meilleure, en une journée, elle va devenir la plus moche, la plus idiote, la plus qui n'est pas intelligente. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, quand elle se plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha était assise dans la même chambre. Elle était dans un coin. Et la femme en train de raconter, de plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha? Elle a dit, subhanallah, elle a dit, j'entendais quelques mots, mais beaucoup de mots, je les entendais pas. Alors que, dès qu'elle a terminé sa plainte, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset qui dit, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِكَ. Allah Azza wa Jalla a entendu la parole de la femme qui s'est venue se plaindre de son mari. Alors Aïcha radiallahu ta'ala s'est étonnée. Subhanallah, elle a dit, Alhamdulillah, الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'il entend toutes les voix? Elle a dit, j'étais dans la chambre avec elle. Elle était seulement peut-être 1 ou 2 mètres plus loin que moi et j'entendais pas ce qu'elle disait. J'entendais pas. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, du 7e ciel, son trône, a entendu ce qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a fait descendre le verset. J'ai entendu cette femme qui est venue se plaindre à toi et il a dit, tishtaki ilallah, celle qui est venue se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yisma'u tahawarakum. Allah subhanahu wa ta'ala entend vos dialogues. Inna Allah sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala est audient et clairvoyant. Donc, remarquez ici, la différence entre comment Allah subhanahu wa ta'ala entend et comment nous on entend. Aïcha, 2 mètres, radiyallahu ta'ala n'a pas entendu. Alors, des milliers et des millions. Ibn Uthaymin al-Masafa, il a dit, la ya'lamuha illa ta'ala. Et il a entendu ce qu'elle disait. J'ajoute autre chose que Cheikh Lahmou n'a pas ajouté. Je dirais, nous par exemple, quand on entend, nous sommes toujours en train de donner des pour montrer la différence seulement dans un attribut qui est la façon d'entendre. Louis. Nous quand on entend, on doit entendre une seule personne. Si Chouf fait ramener tes 2 enfants et dis-leur de parler les 2 à la fois. les deux, ils vont demander une chose à la fois, ils vont parler. Tu peux pas comprendre ce qu'ils disent. Tu vas dire, écoute, tais-toi jusqu'à ce que ton frère parle. Quand ton frère termine, parle-toi. Ça, deux personnes, tu peux pas, s'ils parlent à la fois. Imagine des milliards de personnes qui parlent à la fois, et chacun dans un sujet différent, et Allah subhanahu wa ta'ala entend tout ce qu'ils disent. La hawla wa la quwwata illa billah. Et plus que cela, il entend ce qu'ils disent en leur fort intérieur, dans ton cœur, toi, quand tu es seul. Tu dis des choses, tu parles, je ferai ceci, je ferai cela, il a dit ceci, c'est pas bien cela, je vais faire cuire cela, je vais éteindre le gaz, je vais ceci. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Abu Abdelaziz, il n'y a pas de son. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Troisièmement, il a dit troisièmement, Cheikh Ibn Othaymine, le troisième délit pour montrer la différence. L'Azawajal a dit, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا, pardon, il a dit, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il a dit, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son repose-pied déborde les cieux et la terre. Regarde-toi quand tu t'assois sur une chaise. Où est-ce que tu mets tes pieds? Ça s'appelle le repose-pied. Ton repose-pied, si on calculait combien ça prenait de centimètres, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40 centimètres, un demi-mètre, là où tu vas mettre les pieds. Allah Azza wa Jal, son repose-pied déborde les cieux et la terre. Tous les cieux et la terre réunis, son repose-pied déborde les cieux et la terre. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Il a dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devait l'être. Naam. Ma qadarullah haqqa qadrih. Beaucoup de gens n'estiment pas Allah Azzawajal comme il est. Qui c'est qui n'estime pas comme il est? Ce sont ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas la prière a estimé Allah comme il est? C'est impossible. Est-ce que quelqu'un qui lève sa tête et insulte Allah, insulte le din, il dit na'al kada kada, bid-din. Est-ce que celui-là a estimé Allah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un qui fait les grands péchés, il fait la zina et boit de l'alcool, il a estimé Allah subhanahu wa ta'ala? Il l'a pas estimé sa vraie estime. Non. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. Ensuite, il veut montrer Allah subhanahu wa ta'ala comment il est et sa puissance et qu'il devrait être estimé. Il a dit, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ils l'ont pas estimé comme il devait l'être. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Non. La terre, il va la prendre comme toi, avec ta main, avec une poignée. Tu prends quelque chose avec ta poignée. Tellement, yani la terre qui est des milliards de kilomètres carrés, il la prend comme toi tu prends, par exemple, un œuf. Tu prends un œuf avec ta main. Ou peut-être, c'est plus petit. C'est beaucoup plus petit. Ensuite, il a dit, والأرض جميعا قبضه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Et les cieux seront pliés de sa main droite. Sauf les cieux هذو qui sont au-dessus de notre tête. Il les plie de sa main droite. Comme toi tu plies par exemple une feuille. Tu la plies comme ça, ikhlas. Elle est devenue, yani, un petit morceau de papier. Elle qui était une grande feuille, tu la plies comme ça avec ta main, hop, elle est devenue un petit morceau de papier. Et c'est pour ça qu'il a dit, ils ne m'ont pas estimé ma vraie estime. Non, ils ne m'ont pas estimé ma vraie estime. Donc, Allah Azza wa Jal, c'est impossible qu'il nous ressemble ou bien que nous lui ressemblons. Quatrièmement, il a dit, Cheikh Ibn Othaymine l'a dit, إِنَّنَا نُشَاهِدْ فِي الْمَخْلُوقَاتِ أَشْيَةَ تَتَّفِقْ فِي الْأَسْمَاءِ وَتَخْتَلِفِ الْمُسَمَّيَاتِ. Il a dit, nous voyons dans les créatures qu'il y a des choses qui se ressemblent dans les noms, mais se différencient en leur vérité. En leur forme. Yani, ça se ressemble seulement dans les noms. Il a dit, par exemple, nous voyons, هذا قوي البصر وهذا ضعيف. On trouve des personnes, cette personne a une vue, yani, masha'Allah, une vue yani, perçante, une vue forte. Et l'autre, il a une vue faible. Alors ce sont deux personnes, les mêmes personnes. Celui-là, il a une vue forte, celui-là, il a une vue faible. Et celui-là, il a dit, il a une nuit forte, et l'autre, il n'entend pas bien. et celui-là, il a yani, un corps fort, et celui-là, il a un corps yani, qui est faible. Il a dit, ça, c'est seulement yani, en parlant de personne. Qu'en est-il maintenant si on va comparer avec toutes les créatures? On compare la personne au cheval, on compare la personne à l'ours, on compare une personne au lion, et ça va faire une grande, grande, grande différence. Ensuite, il a dit, وَلِهَذَا لَا يُمْكِنُ لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولُ. Il a dit, et c'est pourquoi c'est impossible que quelqu'un dise, إِنَّا لِي يَدًا كَيَدِ الْجَمَلِ, que j'ai une main comme celle du chameau. أَوْ لِي يَدًا كَيَدِ الْذَرَّةِ, ou bien j'ai une main comme celle de la fourmi. أَوْ لِي يَدًا كَيَدِ الْهَرِ, ou bien j'ai une main comme celle du chat. فَعِنْدَنَا الْأَنْ إِنْسَانُ وَجَمَلُ وَذَرَّةُ وَهَرِ. Nous avons maintenant une personne, un chat, une fourmi et un chameau. وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ يَتَخْتَلِفُ عَنْ ثَانِي. Et chacun a une main qui ne ressemble pas à l'autre. Non. Toi, tu as la main qui ne ressemble pas à la main du gorille. Et tu as une main qui ne ressemble pas à la main, à la patte du lion. Tu as une main qui ressemble. Et tu as une main qui, même la main de l'homme ne ressemble pas beaucoup à la main de la femme. Et comme ça. Ça, yani, ça s'appelle main, main, main, mais ça n'est pas la même chose. La main de l'homme, c'est pas la main du gorille. Pas la même chose. Va voir la main du gorille, tu trouves qu'elle ne ressemble pas beaucoup à la main de l'homme, mais ça a le même nom. Et la main du lion ne ressemble pas à la main de la fourmi. Pourtant, ça a le même nom. Et la main du couffin, le couffin a une main. La main du couffin ne ressemble pas à la main du lion. Et la main d'Allah ne ressemble pas à la main de ses créatures. Tu dis, il a une main, mais je ne sais pas, je ne connais pas comment est la forme de sa main. Je ne connais pas, mais il a une main. Non. Comme la fourmi en a, comme moi j'ai, comme le singe a, comme le rat a, comme le chat a, et comme le couffin a une main. Non. Il a dit, donc vous voyez, c'est seulement des noms. Ça se ressemble seulement par les noms, mais pas en la forme et pas en leur vérité. Non. Il a dit ensuite, mais s'il y a des hadiths, s'il y a des gens qui vont nous dire, il y a des hadiths qui nous font des problèmes et qui contiennent de la ressemblance. Il a dit, il y a des hadiths qui, si tu les lis, tu dis, Allah, il y a une sorte de ressemblance. Comment on répond? Ibn Uthaymeen a dit, donnez-moi d'abord les hadiths, on va vous répondre. Quelqu'un va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. Quelqu'un va dire, voilà un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez voir Allah يوم القيامة, vous allez voir comme vous voyez la lune, quand vous voyez la lune quand elle est badr, quand elle est bien remplie, 13, 14, 15. C'est pour ça que nous, la sunna, c'est de faire le siyam le 14, 13, 14, 15, quand elle est bien remplie. Donc voilà un hadith qui dit que vous allez voir Allah quand vous allez voir quoi? Quand vous allez voir la lune. Donc il a fait ressembler Allah à la lune, ou il a fait ressembler la lune à Allah. Donc voilà un hadith qui fait de la ressemblance. Naqul, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Naqul, on va vous répondre par deux réponses. La première, elle est globale. La deuxième, elle est détaillée. On a deux réponses pour dire que ce que vous venez de dire n'est pas vrai. On va vous donner une réponse globale, ensuite une réponse détaillée. La réponse globale, أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا. La première réponse globale, c'est une règle générale. Il est impossible qu'il y ait une contradiction entre ce que dit Allah et ce que dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Cheikh Ibn Uthaymeen a dit attention, mais si le hadith est authentique, voilà. Si maintenant, il y a quelqu'un qui va forger, il va fabriquer, il va mentir un hadith. Ensuite il dit, il y a ce hadith qui est en contrariété avec le Coran. On lui dit ça, parce que ce n'est pas un hadith authentique. Mais le hadith, l'Albani, il a dit ce hadith n'est pas vrai, c'est un hadith menti. Non, c'est un hadith faible. Mais donne-moi un hadith authentique que le prophète alayhi salam a dit, c'est lui qui l'a dit, et il rentre en contradiction avec le Coran. C'est impossible. Il est impossible. on doit jurer par Allah l'Ali l'Azim que c'est impossible que ça existe. Si tu trouves ça, tu trouves qu'il y a contradiction, ça veut dire qu'il y a une des deux choses. Ou bien le hadith n'est pas vrai, il n'est pas authentique, ou bien la contradiction se trouve dans ta tête et dans ton esprit. Elle ne se trouve ni dans le Coran ni dans le hadith. Naam, c'est toi qui as mal compris, c'est tout. Fais des doigts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire voir la vérité. Demande aux ulama, rabbaniyoun, ils vont t'expliquer. Ils vont te dire, mon petit-fils, viens, je vais t'acheter des bonbons, je vais t'expliquer, inshallah, reste gentil avec moi. Regarde, le Allah a dit ceci, le hadith a dit ceci, il n'y a pas de contradiction. Tu vas trouver que, naam, en effet, il n'y a pas de contradiction. Il est impossible. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Il a dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Allah ta'ala a dit, ne médite-t-il pas le Coran? Ils ne veulent pas méditer le Coran. Ensuite, il a dit, et s'il provenait d'un autre qu'Allah, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, ils y trouveraient, certes, plusieurs contradictions. Naam, Allah ta'ala a dit, si le Coran n'était pas de moi, vous aurez trouvé beaucoup de contradictions. C'est vrai. Les gens, ils peuvent pas dire des choses sans se tromper. On oublie, on est faible, on sait plus ce qu'on a dit, et tu trouves des contradictions. Regardez, je vous donne un exemple seulement très simple, très simple. Quand quelqu'un, par exemple, nous raconte une chose, ensuite nous on doute, on dit, subhanallah, je ne sais pas, c'est vrai ce qu'il m'a dit ou là il m'a menti. Comment savoir, par exemple, si tu as menti ou si tu n'as pas menti? C'est très simple. Fais-lui oublier ce qu'il a dit. Laisse-le une année, deux années. Ensuite, dis-lui, écoute, au fait, raconte-moi, comment ça s'est passé, telle chose, raconte-moi. Tu vas voir que, s'il a menti, c'est impossible qu'il te raconte la même chose avec les détails. Il va oublier. Il te dira, naam, je suis venu dans le bus, alors que la première fois, il t'a dit, je suis venu en voiture. Il te dira, naam, il faisait froid, alors qu'il t'avait dit, il faisait chaud. Il va te dire, naam, j'étais avec mon père, alors qu'il t'avait dit, j'étais avec mon fils. Il va dire, naam, j'étais à Blida, alors que la première fois, il a dit, j'étais à Alger. Et comme ça. Pourquoi? Parce que, on oublie. Mais quelqu'un qui ne ment pas, n'oublie pas. Quelqu'un qui ne ment pas, il va te répéter la chose. Après 20 ans, il va la répéter comme elle était. Naam. Sauf, s'il oublie, tu dis, j'ai oublié l'histoire. Mais s'il te la raconte, il te la raconte comme elle était. Ça, c'est un délire pour pouvoir tester quelqu'un s'il ment ou il ment pas. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on est des personnes, on est voués, comme j'ai dit, on est voués, on se trompe, on est faible, on est malade. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a jamais de contradiction dans son Coran. C'est pour ça qu'il a dit. Il a dit, si le Coran n'était pas de moi, la preuve qu'il n'était pas de moi, vous en auriez trouvé plein de contradictions. Ça veut dire par là, me faut mukhalafa, et puisque vous n'avez jamais trouvé de contradiction, et jamais vous n'en trouverez, ça veut dire que le Coran est de moi. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah azza wa jal a dit de lui, وَمَا يَنْتَقَ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas de ses passions, il huwa illa wahyun yuha, mais il parle quand je lui fais descendre le wahy, la révélation. Donc jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut dire quelque chose qui contredit le Coran. Il est impossible. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour expliquer aux gens le Coran. Il t'explique ce qu'il y a dans le Coran. Il est impossible qu'il le contredise. S'il y a contradiction, le hadith n'est pas vrai, ou bien la contradiction est dans nos têtes et dans nos esprits. Ensuite, naam. Ça, c'est le délil global. Maintenant, il va donner, Cheikh Lahmo, il va donner le délil, le détail. Il va donner la réponse détaillée. Il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innakum satarawna rabbakum, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez la lune. Il a dit, laysa tashbihan lil mar'i bil mar'i, walakin tashbih lir ru'ya bil ru'ya. Naam. Regardez bien ce que je vais dire. Ici, il y a une ressemblance, pas entre Allah et la lune, mais il y a une ressemblance entre la vision et la vision. Ça veut dire, il veut dire que comme vous pouvez voir la lune, vous pourrez là, le jour du jugement dernier, vous pourrez là voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la ressemblance. Ce qu'il y a de commun, c'est la vue et la vision. Comme tu peux voir la lune, la même chose, tu peux voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit la tudamun. Regardez, la lune, quand elle est au ciel, est-ce qu'on doit tous se grouper pour la voir, hein? Il faut tous que vous veniez ici au Koweït pour qu'on soit tous ici dans le quartier où je suis, pour qu'on monte nos têtes, on voit la lune. C'est pas la peine. Moi, je la vois d'ici, toi, tu la vois de Paris, l'autre, il la voit d'Angleterre, l'autre, il la voit de la Suisse. Naam, c'est pas la peine d'être dans le monde. C'est pas la peine qu'on se groupe pour voir la lune. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. C'est pas la peine qu'on se groupe pour qu'on puisse le voir. On peut le voir et on le verra, bien sûr. Il veut montrer ici, le hadith, il veut montrer qu'il y a une ressemblance dans la façon de voir. Et ce n'est pas la ressemblance de la chose ou de la personne qu'on va voir. C'est pas Allah qui ressemble, parce que Allah qui sera vu. C'est pas Allah qui sera vu, qui va ressembler à la lune qui sera vue. Mais c'est notre vue de la lune qui ressemblera à la vue qu'on va voir, et on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, التشبيه في ماذا؟ في الرؤية وليس في المرء. Ensuite, ils ont dit, et voilà, on a un deuxième dalil où il y a aussi, yani, contradiction. Ils ont dit, c'est quoi? Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن الله خلق آدم على صورته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sur son image, ou de son image. Yani, sur son image, c'est mieux. خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته. Donc, si Adam, Allah Ta'ala l'a créé sur l'image d'Allah, donc il lui ressemble. Naam. Il l'a créé sur son image. Donc, il lui ressemble. Car, moi, il a dit, ici, Cheikh Ibn Uthaymin, وَلِهَذَا أَكْتُبْ لَكَ رِسَالَةً ثُمَّ تُدْخِلُهَا. Il a dit, quand moi j'écris une lettre, ensuite tu la fais rentrer dans la photocopieuse, il a dit, ça va faire sortir quoi? Ça va faire sortir la même lettre que je venais d'écrire. Naam. Est-ce que moi, dans une lettre, je vais écrire Salam alaikum, comment allez-vous? Je vous passe le salam du Koweït. Est-ce que vous, je vais faire photocopie de cette lettre? Est-ce que vous allez trouver, au lieu de Salam alaikum, vous allez trouver bonsoir? Je vais pas bien, je suis malade. Je vous passe le salam de l'Arabie Saoudite. C'est impossible. Sinon, ce n'est pas une photocopie. Ce n'est pas mon image. Ce n'est pas la même chose. Ici, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. Donc, il doit lui ressembler. À 100%. Ibn Uthaymin a dit, il y a deux réponses. La réponse globale et la réponse détaillée. La réponse globale, laïsa kemithlihi, rien ne lui ressemble. C'est ça la réponse globale. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, آمن به كل من عند ربنا. On croit en cela. On croit que personne ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. C'est l'aqida qu'on a. Ça, c'est la réponse globale. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas aux créatures. Les créatures ne peuvent lui ressembler. Et la réponse détaillée, c'est de dire quoi? C'est de dire, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yumkin an yantiq bima yukadhdhib al-mursil. Il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse dire une chose qui va en contradiction avec celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer le prophète pour qu'il dise le contraire de ce que Allah lui a dit de dire? Il a dit, déjà, c'est impossible. Par raisonnement, sinon ce n'est pas son rasoul. En arabe on dit, je vais t'envoyer un rasoul. Hein? C'est pas un prophète, un messager. Tu dis à quelqu'un, je vais t'envoyer un messager. Ce messager, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce que je lui ai dit de dire. Il va dire le contraire, c'est pas la fin. C'est pas mon messager. S'il revient, peut-être que je vais le punir. Comment? Je t'ai dit, va aux gens, dis-leur qu'ils sont invités, par exemple, à telle fête demain. Lui, il est parti, il leur dit, il n'y a pas de fête. Il vous a dit, il n'y a pas de fête. Ou bien il vous a dit, vous êtes invité l'an prochain. celui-là, quand il vient, je vais le punir. Non, je vais le punir. Pourquoi? Il a dit le contraire de ce que j'ai dit. Je ne lui ai pas dit de dire cela. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible qu'il dise quelque chose qui va à l'encontre et qui contrarie ce que Allah Azza wa Jal lui a dit de dire. Maintenant, regardez. Celui qui a dit خلق الله آدم على صورته. Celui qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même a dit Inna awwala zumratin tadkhulu al-jannata ala surati al-qamar. C'est lui-même aussi qui a dit le premier groupe qui rentrera au paradis rentrera en l'image de la lune. En l'image de la lune. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Adam, Allah l'a créé en son image, et a dit, le premier groupe qui rentrera au paradis, rentrera avec l'image de quoi? De la lune. Cheikh Ibn Othaymin dit ici, est-ce que ça veut dire que les gens qui vont rentrer au paradis, le premier groupe, Ben Qawsin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse deux, inshallah ta'ala, qu'on soit du premier groupe, il a dit, est-ce que ça veut dire qu'ils vont rentrer en ressemblant à la lune, yani, ils ne vont pas avoir deux yeux, ils vont être comme la lune. Comme yani, quelque chose de rond comme ça, un cercle, on va être comme des ballons, et ils vont rentrer à la lune, ni yeux, ni oreilles, ni bouche. Parce que la lune n'a ni yeux, ni oreilles, ni bouche. Parce que c'est ça le sens du hadith. Ou bien, le prophète alayhi salatu wasalam a voulu dire qu'ils vont rentrer, ils vont rentrer au paradis, avec la splendeur de la lune. Avec la beauté de la lune, avec yani, la lumière de la lune, avec l'éverbeillement de la lune. Naam, c'est ça ce que veut dire le hadith. C'est ça. Yani, ils auront, yani, masha'Allah, la splendeur de la lune. Quand tu vas voir les premiers qui vont rentrer au paradis, les premiers, tu vas les voir. Masha'Allah, la lumière et le nour que Allah Azza wa Jal leur donnera. Ensuite, le deuxième, troisième groupe, bien sûr. C'est pas la même chose. La lumière, le nord, va commencer à diminuer. Naam, il va commencer à diminuer. Parce que celui qui passe la nuit à faire la prière, c'est pas celui, comme celui qui passe la nuit à ronfler, et celui qui passe la prière à jeûner, passe la journée à jeûner, les lundis et jeudis. Ce n'est pas celui, comme celui qui passe la journée à manger les poulets rôtis, les canards, il mange des canards, c'est pas la même chose. L'autre miskin, il jeûne le lundi, jeudi, etc. Et il fait la nuit, la prière, il fait la nuit, il fait la prière la nuit, et l'autre il ronfle, masha'Allah, on l'entend de l'autre pièce, jusqu'à ce que ses enfants viennent de l'autre pièce, ils lui disent un peu doucement, on ne peut pas dormir. Barakallahu fik. Naam, il y a une grande différence entre les deux. Donc c'est ça le vrai sens du hadith. C'est ça le vrai sens du hadith. Ils vont rentrer comme la lune. Maintenant, quand il a dit comme la lune, à l'image de la lune, ça ne veut pas dire que c'est la lune. Maintenant, la même chose quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « خَلَقَ آدَمْ عَلَى صُورَتِهِ ». Ça a plusieurs sens. Premièrement, comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit « عَلَى صُورَتِهِ ». Et هُنَا الظَّمِيرُ يَعُدْ عَلَى أَقْرَبْ مَذْكُورُ. أَقْرَبْ مَذْكُورُ c'est qui? C'est Adam. « خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ». هي يعني صورة آدم. Comment خلقه على صورته? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous tous, pour avoir été créés, on est passé par des étapes. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Des étapes. On était ceci, sperme, ensuite un morceau de chair, sang, ensuite chair, ensuite os, ensuite chair et os, et ensuite on est sorti la dernière étape. Mais Adam a été créé directement sur son image. Il n'est pas passé par les étapes. Adam, Allah Azza wa Jal, a envoyé Jibril alayhi salam, il lui a dit, va me chercher de la terre, il est descendu sur terre, il a pris de la terre avec lui, noire, marron, blanche, rouge, ensuite Allah Azza wa Jal, il a mélangé avec de l'eau et il a fait la forme de Adam. Il l'a laissé comme ça, je ne sais pas combien de temps. Ensuite, il lui a insufflé la vie et directement, il s'est mis debout. Il n'est pas passé par les étapes de liquide des 4 ou 5 étapes que je viens de citer. Ça, c'est l'explication de Cheikh Al-Albani Rahmou de ceux qui disent que خلقوا على صورته صورته هو إليس صورة الله سبحانه وتعالى الشيخ ابن عثيمين آدي الله يحمه على صورته الها هنا في التشريف تشريف يعني الصورة التي صورة الله سبحانه وتعالى كمون دي بيت الله ناقة الله عبد الله يعني إضافة مخلوق إلى خالق إضافة مخلوق إلى كمون تخيكو لعزو الله كريه à son image, lui, pas l'image d'un autre. C'est l'image de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on dit, la Kaaba, c'est la maison d'Allah. C'est la maison d'Allah. Parce qu'il veut lui donner la valeur, tashrif. On dit, la Kaaba, c'est Beit Allah, c'est la maison d'Allah. Adam a été créé à l'image d'Allah. Il veut lui donner, il y a beaucoup d'importance et de valeur. C'est l'image d'Allah, c'est pas l'image d'un autre. Naam. Voilà la vraie réponse du hadith, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je ne reste pas comme ça, mais c'est devenu comme ça. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes pour les questions-réponses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.